Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Dorothy. Salut à toutes et à toutes. Salut à toi, Geoffrey. Et merci, salut à toi aussi. Et on est là pour parler de l'Euro de foot, parce que c'est bon, ça commence et on a hâte de voir ça. Ah ouais, grave, je savais qu'il y avait l'Euro de foot, tu me connais, moi j'adore le foot, ça m'a fait une grande passion. Non, mais plus sérieusement, non, là tu vois, j'ai senti que je t'avais pris de court, là tu vois, c'est... Depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir contre qui a joué la France. Je sais qu'elle a joué il y a pas longtemps, il y a un ou deux jours, et qu'il y a eu un doublé de Giroud. Attends, C'est beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est pas beau ça. C'est magnifique. Et c'est tout. C'est pas, demande pas plus. Bah alors, le prochain match, c'est France-Allemagne, et j'ai déjà sorti mon maillot blanc et noir et or. Et donc voilà, bref, je ne vais pas supporter la France. Mais on n'est pas là pour parler de foot, hein, c'était une blague, ne quittez pas la chaîne, ne vous désabonnez pas. En fait, on est là pour parler des achats du 9e art en occasion. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Quand on est étudiant ou qu'on n'a pas trop d'argent, le neuf, ça coûte cher. Mais il y a plusieurs solutions pour pouvoir en acheter. Et pas forcément très très cher. Donc on va parler de ça ce soir. T'es rassuré ? Ah, c'est mieux. Là, c'est un thème que je connais. Ça me concerne, quoi. Le foot, non. Enfin... D'accord. Si tu veux, on pourra parler de la future finale avec peut-être le prochain titre du Stade Toulousain, si tu te sens mieux avec du rugby. En fait, je sais que j'ai un corps de rêve, qu'on peut le voir dans mes vidéos, mais je fais pas de sport, c'est un corps naturel comme ça, tu vois. Et je fais pas de sport et je regarde pas de sport. Donc, si tu veux, on peut parler de ping-pong. Je pratique, tu vois, je pratique, si tu veux, on peut en parler. Si tu as des petits cours, t'hésites pas. D'accord. Ok, pourquoi pas, c'est noté pour un prochain podcast, le monde du pongiste. Tout à fait. Donc, plus sérieusement, Baptiste, est-ce que tu achètes des mangas en occasion, ou des comics en occasion, ou de la BD en occasion, enfin bref, est-ce que tu consommes en occasion? Ouais, un peu, ça dépend des collections, pas mal de séries longues en occasion que j'ai trouvé parce que chez plein de tomes neufs ça coûte cher pour une collection des fois où t'as 30, 40, 50, 80 tomes. Et après je fais pas mal de vide-grenier, donc je cherche essentiellement BD, comics et manga d'occasion. Et toi? Écoute, quand il y a des vide-greniers du côté de chez moi, je les fais par curiosité et qui sait, je pourrais peut-être tomber sur un manga. Donc voilà, donc c'est vrai que je consomme un peu comme ça, on va dire. C'est un peu au hasard, j'y vais, si je trouve des choses tant mieux, si je trouve pas je pleure, je me mets en PLS et je rentre chez moi. Ah ouais, c'est abusif quand même. Non, mais tu vois, c'est juste que je me dis que j'ai perdu mon temps à chercher des mangas, et en fait, non, il y a que dalle, quoi. Donc, PLS, je pleure, et voilà, quoi. La routine. Ah, par contre, des fois, tu peux avoir des belles surprises. Des fois, en vide-grenier, tu peux tomber sur des petits vendeurs qui se débarrassent un peu de leur collection et tout, et là, tu peux avoir des belles petites pépites. C'est rare, mais t'es content quand tu tombes dessus. C'est pas faux. Alors... on va essayer de parler de tout ça, mais on va essayer de normer un peu la chose pour éviter qu'on parte en couille. Je vous propose donc on va parler du physique, donc de magasins physiques ou comment trouver en physique des choses. On va parler des petites annonces parce que ça existe toujours, et on terminera après par des sites où on peut acheter des mangas d'occasion. Je pense que comme ça on aura tout parlé. Donc en physique, il y a les vide-greniers. Donc c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc du coup, Baptiste et moi, et c'est vrai qu'on peut trouver de bonnes pépites. J'ai récupéré, je crois, les 4 premiers tomes de Death Note. Je suis en train de les chercher du regard. J'arrive pas à les voir du regard, mais bon, j'avais acheté quelques Death Note en occasion, donc ça c'était sympathique. Honnêtement, je voyais pas l'intérêt de les acheter en neuf. Donc voilà, c'est mes derniers achats manga. Après, c'est vrai que j'ai même trouvé des figurines, dont une magnifique figurine de Guts. Donc, Ah oui, c'est vrai que tu as chopé un vide-grenier, c'est vrai. Et ouais, 15€ ou 20 balles. Ça va, en vrai, il y a quand même stylé pour ce prix. Ouais. Bon, franchement, c'est du bon presto, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que les figurines de Guts, c'est très difficile à trouver. Je pense que le mec aurait pu vendre ça le double. Peut-être que j'aurais craqué. Tu vois, pour 30 balles, je me serais dit, bon, allez, c'est très rare, je me la prends. Ouais. Et à part ça, t'as trouvé d'autres trucs? Oui. Parce que à Ramonville, donc pour ceux qui habitent du côté de Toulouse, il y a deux foires à la BD par an à Ramonville. D'accord. Et là-bas, c'est vraiment une vraie foire à la BD où il n'y a que de la BD, donc BD, comics et manga. Et on trouve énormément de choses et ça c'est super sympathique. Donc c'est deux dimanches par an, en mars et en novembre. Donc avec le confinement on pouvait pas en mars, mais peut-être en novembre. Et là j'ai fait de ces affaires que ça, alors beaucoup d'affaires en VO, au niveau des comics, quelques bons choix également en manga, mais voilà, là-bas j'ai trouvé pour 5€, je crois, voire même un peu moins, un comics en VO, Batman, Spider-Man, dédicacé par le dessinateur. Ah ouais. Donc je vois ça, j'achète. Donc, bah ça me donne pas. Et donc, si t'en prends. Ouais, en termes de prix, tu as eu à combien par exemple pour donner envie de grenier, par exemple tes Death Note et les mangas que tu as pris sur la foire, donner une ordre d'idée sur combien on peut trouver des mangas envie de grenier par rapport aux gens? Alors, au niveau de la foire, c'est quand même une foire spécialisée, donc les gens sont bien au courant des tarifs. C'est très rare de faire des affaires comme j'ai pu faire. En ce qui concerne le vide-grenier, je crois que les 3 ou 4 tomes de Death Note, je les ai eus pour 5€. Donc, okay. Bon tarif. Ah, attends, ça me triture la tête, je vais voir combien de tomes j'ai eu de Death Note, parce que ça me fait chier, j'ai perdu le nombre. Et sinon, en plus des vides-greniers, vous pouvez vous renseigner autour de vous, car il existe maintenant des vides-greniers permanents. Donc voilà, c'est des gens qui mettent un stand avec des produits à vendre d'occasion. Et vous pouvez aussi trouver régulièrement des petites pépites de ce genre, manga, comics, figurines. Par exemple, je sais que moi, côté de chez moi, il y a un vide-grenier permanent et j'ai pu trouver une magnifique figurine de Full Metal Alchemist que vous pouvez voir dans mes vidéos sur ma chaîne au tarif de, je crois, c'était peut-être 5€ la figurine. Donc bon, à ce prix-là, ça, comme disait Geoffrey, on saute dessus. J'ai pu trouver des comics comme des tomes que je connaissais même pas à l'existence. Par exemple, Joker featuré The Mask. Donc c'est le Joker de Batman qui prend le masque de la série comics The Mask. Pareil, à des prix très raisonnables. Ouais, entre 5 et 7€ le comics d'occasion, quoi. Donc ouais, renseignez-vous autour de chez vous, aussi bien pour les vide-greniers permanents que sur les vide-greniers physiques. Donc là, c'est un peu plus chaud à trouver parce que c'est à des dates précises, il y a des lieux précis. Donc je vous conseille un site internet qui s'appelle tout simplement vide-du-milieu-grenier.org. Et du coup, c'est un site qui référence tous les vide-greniers, soit par date, soit par département, soit par région ou même par rapport à votre localité. Donc, votre localité. Oui. Et du coup, là, vous pouvez voir tous les vide-greniers qu'il y a près de chez vous et surtout à quelle date. Vous savez voir si c'est un vide-grenier spécialisé, donc comme peut vous en parler Geoffrey, donc ça peut être de la foire à la BD, de la foire à la pêche, vraiment plein de trucs, ou alors des trucs plus global, quoi. Alors là, vous trouvez vide-grenier, je sais pas, organisé par le club de foot de votre village, mais ce seront tous les habitants du village qui vont mettre un stand. Et là, du coup, c'est par rapport au petit bonheur, la chance, quoi. Vous pouvez trouver des trucs très très cool comme rien trouvé et finir comme Geoffrey à pleurer en PLS. Et du coup j'ai eu les 4 premiers tomes de Death Note pour 5€ de mémoire. Donc c'est cool. Ouais, non mais franchement ça fait moins d'un euro, ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup. Ah ouais, ça vaut le coup. Du coup, après c'est les vides greniers, il y a d'autres solutions pour trouver des mangas pas chers. J'ai commencé à parler. J'ai continué à parler quand tu n'étais pas là. J'ai fait un petit monologue. Je suis arrivé sur la fin. Ouais, voilà. Et du coup, je disais que pour y avait des vides greniers, mais il existait aussi. J'ai expliqué un site qui référençait les différents vides greniers. T'es pas là, vu que c'était des choses éphémères. Ah non, mais si, ça j'avais écouté. Non, mais parce que je t'ai laissé parler. Non, alors, moi, je parle pas de vide-grenier, mais je parle vraiment de magasins d'occasion. Oui, là, voilà. Bah oui, histoire de. J'allais faire attention. Je parlais aussi des magasins vide-grenier permanents, tu vois. Ah oui. Parce qu'on peut trouver des trucs aussi. Et du coup, pareil, j'en ai parlé un petit peu vu que t'étais pas là, mais je te laisse reprendre le flambeau de conversation. Ah, c'est gentil. Je rattrape le flambeau et je continue. Alors, du coup, vous pouvez avoir donc des magasins qui vous proposent uniquement de l'occasion. Des magasins type, par exemple, Gilbert Joseph, qui vous vend du neuf et de l'occasion. Donc voilà. Bon, c'est une chaîne. Moi, j'y vais uniquement pour regarder pour regarder s'il n'y a pas d'occasion de longue série de mangas, sinon j'achète rien à Gilbert Joseph. Mais ça peut être une bonne idée pour trouver de l'occasion pour pas cher. Est-ce que tu y vas, toi ? Il y a une boutique à Toulouse, j'y vais pareil pour regarder s'il y a des trucs en occasion. Mais honnêtement, je crois que j'ai jamais acheté un truc en occasion là-bas, en manga. En comics, quelques-uns. Je crois que j'ai acheté quelques comics d'occasion là-bas, sur des comics pourquoi pas, moins cher que le prix neuf, à tester quoi. Mais sinon, j'achète jamais de neuf là-bas et je crois que de mémoire, j'ai rien trouvé en manga. Alors, moi, voilà, j'ai une petite anecdote. J'ai trouvé chez Gilbert Joseph le tome 1 des Tortues Ninja, édité chez Soleil. Ce problème, c'est qu'il n'a pas été beaucoup édité en nombre. Et donc, avant que iComics le réédite, il était en rupture de stock. Je crois que le tome sur Rakuten, actuellement, il vaut plus de 50 balles. Je l'avais acheté 8 ou 9 euros. Ça me donne pas. En parlant de ça, pareil, moi, une fois, j'ai fait un vide-grenier, les mecs, ils vendaient des codes 10. Une collection complète de 5 tomes, j'ai payé 5 euros. Je les ai vendus, je crois, 80 euros parce que c'était recherché et tout. Donc, ok, rentable. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bref, reprenons. Donc, du coup, maintenant, on est là pour raconter des anecdotes. Donc, il y a Gilbert Joseph. Il y a Terre de Légende, je crois, qui font de l'occasion également. C'est ce que tu voulais dire. Terre de Légende, je crois pas qu'ils font de l'occasion. Ah non, pas Terre de Légende, c'est où tu penses? Non, c'est le Comptoir du Rêve. Comptoir du Rêve. À Toulouse. Font. Il existe. Vas-y, finis ta phrase. Qui font du comics et du manga d'occasion et BD aussi. Juste ça. D'accord. Voilà, je suis juste dedans. Ok. Et à Pamiers, pour les Ariégeois, je crois qu'il y a une boutique où il n'y a que de l'occasion un peu vintage qui s'est montée également. Donc voilà, ça c'est pour nos amis Ariégeois. Oui. Et à Toulouse aussi, je crois qu'il y a Cache 31 en face d'Imaginaire. Attends. Ça j'allais venir. Tu me piques tout, voilà. La prochaine fois, tu m'envoies ton plan parce que là, je vois bien que c'est un peu brouillon. Non, c'est toi qui empiète sur la chose. Moi, c'était tout était cadré. Donc, du coup, vous avez c'est la troisième partie des magasins qu'on voulait venir. Tout ce qui est Cash Converters, Cash 31, etc., etc., etc., etc., etc. Est-ce peut-être parler en termes de prix, en combien on peut trouver les mangas dans les librairies spécialisées, combien on peut les trouver en général? 2-3 euros de moins. Ouais, voilà. J'allais dire, moi, j'ai à peu près 5 euros par tome, j'allais dire, mais au lieu de 7 ou 8 en général. Voilà. Donc, du coup, dans les Cash Converters, donc là, on les trouve sensiblement un peu moins chers que dans les librairies spécialisées, on va dire. Mais il faut savoir qu'ils ont énormément de mangas, voire même beaucoup trop de mangas. J'ai vu sur TikTok une astuce d'un mec qui est fan de mangas. Je crois qu'il disait qu'il avait plus de 10 000 mangas chez lui. Et il va dans ce genre de magasin, il trouve un vendeur et il lui demande pour avoir le manga à 1 euro, combien de tomes je dois prendre. Et apparemment, ouais. De temps en temps, on lui dit, il faut que tu prennes une trentaine de tomes. Ah ouais, ça vaut le coup. Donc, ouais, faut trouver des mangas qui te plaisent, quoi. Ouais, je pense que dans ces cas-là, le mec, il doit faire un lot, tout prendre, et ce qui ne l'intéresse pas, il le revend derrière, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si cette astuce est vraie ou fausse, mais honnêtement, un jour, je vais la tenter. Bah ouais, carrément. Après, ouais, faut parmi ce que tu achètes, des trucs qui te plaisent, quoi. Tu essaies de faire un prix global pour faire diminuer le prix, quoi. Mais à tester, quoi. Mais ouais, franchement, écoute, si tu t'en sors pour 30 tomes à 1 euro, c'est pas mal, hein. Oui, c'est surtout que c'est dans le tas, même si t'as une dizaine qui te plaisent et que du coup, ça te fait 10 euros les 10 tomes. Bon, en tout cas, t'es gagnant, quoi. Et la question, c'est est-ce que tu as déjà fait des affaires dans des cash converters, toi ? Ouais. Pas pour moi, mais j'ai vu la collection complète des GTO. Donc, c'était un format un peu bâtard. Il y avait du format standard et du tome double. Et je crois qu'il y avait l'équivalent de les 24 ou 26 tomes de GTO pour 35 euros, je crois. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, go, quoi. Prends pas de... c'est chaud, on prend, hein, parce que c'est quand même un classique. Bon, c'était pour offrir à un copain, donc il était content, quoi. Donc, ouais, mais de mémoire, je crois que c'est en manga ou comics ou quoi, c'est la seule grosse affaire que j'ai fait. Sinon, j'en ai déjà rêvé de prendre quelques tomes par-ci par-là pour compléter des collections, des vieilles collections que je voulais reprendre. J'ai pas envie de prendre du neuf à 3 euros le tome, un truc comme ça. Quelques Jojo, quelques Naruto, je crois, mais à part le truc des GTO, c'est tout, quoi. Et toi ? Alors, pas en manga, mais... Ah si, je crois que quelques détectives Conan par-ci, par-là, mais bon, c'est pas forcément la grosse affaire du siècle. Mais par contre, en comics, j'avais trouvé le crossover Justice League versus Suicide Squad, donc c'est un crossover qui est à chier. Faut bien être précis. Il est à chier, et je l'ai trouvé au bon tarif. Le bouquin était... quasiment neuf, pas dégueulasse, pas écorné et compagnie. On aurait dit qu'il sortait vraiment et qu'il était neuf, quoi. Je l'ai eu pour 5 euros. Ouais. Le comics devait faire 400 pages. Ah ouais, effectivement, le bon tarif, quoi. Le bon tarif, après, pour une merde. Ouais, voilà, c'est 400 pages pourries. Écoute, j'étais curieux, et pour 5 euros, tu craches pas dessus, quoi. Tu dis, au pire, j'ai perdu que 5 euros, c'est mieux te dire, tiens, au lieu de ça, j'ai perdu 25 euros, 30 euros. Oui, c'est sûr. La dernière fois, avant ça, je suis dans un cache 31, justement, pour essayer de trouver des mangas et trucs comme ça, et j'ai vu qu'il y avait des Boruto, il y avait genre les 5 premiers, je crois, pour 5 euros, j'ai hésité à les prendre, et je me suis dit, non, ça me fait trop mal au cœur pour Naruto. J'ai même pas pris le risque à ce prix-là. Mais écoute, on pourrait faire un débat, mais honnêtement, je trouve pas que Boruto soit si une grosse catastrophe que ça. Bon, on fera un débat. On fera un débat, hein, parce que là, je vais pas parler sans avoir lu ni un peu regardé, donc je me renseignerai un petit peu et je verrai. C'est pas ouf, hein. C'est pas Naruto, hein, soyons bien précis avant que tu cries au scandale. Mais écoute, j'ai vu. Alors, actuellement. Il est sorti, que je dise pas de bêtises, 202 épisodes. J'en ai vu 195. Ah ouais, quand même, t'as bien regardé, quoi. Et je trouve ça gentillé, mais c'est pas... je comprends pas toute la critique qu'il y a derrière. Mais t'as pas fait de Naruto, non ? Non. D'accord, non, c'était pour savoir, très bien. Bon, après, je connais la fin grâce au jeu vidéo, donc voilà. Après, la fin de Naruto est complètement what the fuck. À la fin, le mangaka prenait des rails de coke, il écrivait le scénario, il se masturbait, ça sortait, puis voilà. Putain, t'as réussi à être sauf tout l'épisode, là tu pars en live, on part en Naruto, tu prends pas. Il pète les plombs. Naruto, c'est le mot qui le met en transe. Me parlez pas de la fin de Naruto, sinon les gars, je pète un plomb là. Mais honnêtement, faut le dire. Est-ce que tu trouves pas la fin de Naruto over-cheatée? J'ai fait une vidéo sur Naruto et je dis que la fin elle est pourrie, donc forcément. Non, mais voilà. Alors que tu vois, dans Boruto, c'est ce que c'est, mais ce n'est pas, ça ne part pas autant en live que la fin de Naruto. J'ai l'impression de retrouver le début de Naruto. Le moment jeunesse, découverte de l'univers et compagnie. C'est quelque chose, tu vois, que je pourrais montrer à mon gamin en lui disant, ben, regarde Boruto, c'est la nouvelle génération, t'as pas besoin de connaître Naruto pour regarder ça, tu regarderas Naruto quand tu seras un peu plus vieux. Mais tu vois, c'est quelque chose que tu peux montrer à une nouvelle génération et ça passe très bien. Ouais, c'est comme du DB Super, des trucs comme ça, quoi. C'est pas aussi bien que l'original et c'est pour faire la transition entre des générations, quoi. Bah ouais, exactement. Exactement. Mais ouais, on en parlera, on se renseignera, je m'enseignerai, on fera un épisode dessus, parce que là, c'est encore éloigné du sujet, Greg. Non, Jeffrey, pardon. Donc, le sujet, donc, les cash converters, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc, on va passer sur la deuxième partie, qui va être tout ce qui va être site internet et petites annonces. Donc, pour ça, il y a deux choses. Il y a eBay et Le Bon Coin. Ouais, ben j'aime, enfin, il y a aussi, mais bon, c'est vraiment, c'est d'ailleurs la fonction marketplace de. Je l'avais oublié, ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne pas mal, mais le truc chiant, c'est la jeune géographique, quoi. Je crois que tu peux pas dépasser les 200 km autour de chez toi, donc si dans une région où il n'y a pas de trucs qui se vendent, ben t'as pas de trucs qui se vendent, quoi. Ouais, mais tu peux trouver des petites pépites. Sur le bon coin. Trouver des pépites. Sur Le Bon Coin, tu vois, j'ai trouvé pour 5€ les 3 tomes de Warcraft en manga. Ah, cool! Le premier, je crois qu'il vaut 50 balles. Ah bon? Ouais. Lequel, les légendes ou les puits du soleil Les puits du soleil. Ouais, je savais pas. Je crois que j'ai les trois premiers aussi. Donc. Bah, en fait, il n'y en a que 3, hein, donc t'as la série complète. J'ai la série complète, effectivement. Bah, c'est quand même les 3 premiers. C'est pas faux. Mais non, mais c'est vrai que 5€, j'ai vu ça, il y avait ma femme qui allait sur Toulouse, je lui ai dit, mais vas-y, récupère-les-moi, s'il te plaît, ça vaut le coup. Et attends, je suis en train de regarder les tarifs, mais vas-y, meuble un peu. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, le troisième tome de du Puits Solaire... donc il vaut pas cher, donc là-dessus il y a pas de problème. Ça doit être le tome numéro 2 qui doit coûter une couille. J'arrive pas à le trouver, mais bon, c'était vraiment très cher. Ça valait pas le coup. Ah bah non, 20 euros. 20€ pour le tome 3. Après, dans tous les cas, 3 mangas pour 5€, ça vaut le coup, quoi. Oui, dans tous les cas, ça valait le coup, quand même. Et ça, du coup, c'était sur Facebook, le Marketplace, tu l'as vu, ou sur... Un des deux, mais... Ah non, je crois que c'était Facebook. Ouais, Facebook, ouais. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose sur Facebook. Je trouve plus mon bonheur sur Le Bon Coin, un manga. D'accord. Et eBay, j'y vais de temps en temps pour chercher des trucs, pareil, mais pas de... Pareil, je trouve pas des trucs transcendants. Moi, le gros que j'achète en occasion, ça va être, sur les sites comme ça va être Le Bon Coin, parce que ben, tu peux chercher dans toute la France et les mecs, en général, ils sont pas trop chiants, vu que t'as l'option de livraison par Mondial Relais qui est directement inscrit sur l'annonce et c'est vraiment pas chiant, quoi. Et alors, tu peux négocier. Ouais, t'as hier. Non, mais excuse-moi, continue, je t'ai coupé la parole, vas-y, termine. Ouais, ben, je termine, j'allais dire que j'avais fait des bonnes affaires, mais ça va, je ne veux plus décrire les fonctionnalités, mais je pense que tout le monde sait comment Le Bon Coin marche. Oui, wow, c'est bon, on va pas leur faire la pub, ils ont 15 ans. Oui, mais des fois, il y a des bonnes affaires. Moi, je sais que je suis par exemple sur Le Bon Coin, je me suis pris les Attaques en Titan édition colossale. Ah, je crois... moins de 10€ le tome alors qu'il en coûte 20. Je me suis pris quasiment une grande partie des Jolo Bizarre Aventure sur Le Bon Coin. Il y a de l'offre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, il y a de l'offre. Après, tu vois, je suis en train de regarder eBay. Alors, oui, le bon coin, il y a pas mal d'offres. Après, c'est, il y a de tout. Il y en a qui se masturbent sur les tarifs et compagnie. Et puis, il faut trouver également la série qu'on veut. Donc, c'est pas forcément très, très, très, très simple. Dans le même lot, il y a Vinted. Et je pense que j'ai fait plus de bonnes affaires sur Vinted que sur le bon coin. J'ai pas Vinted, donc, mais le peu de fois où je regarde sur le téléphone de ma copine, bah, je trouve pas grand chose. Après, je suis plus en truc précis, je cherche des trucs précis, quoi. Je suis pas en jeu scroll, et s'il y a des offres intéressantes, je les prends et pour découvrir, quoi. Faire des recherches précises. C'est pour ça que le bon coin, je trouve ça vraiment pratique. Alors, honnêtement, ça, je fais également des recherches précises. Je suis en train de chercher mes ventes, mes achats. J'ai trouvé sur Vinted, tu vois. Bon, à l'époque, j'aurais pu en prendre plus, hein. J'aurais peut-être plus gagné de sous. Mais bon, j'ai pris les 6 premiers tomes d'Argir pour moins de 15 euros. Ouais. Voilà. Oui, effectivement, voilà. Ouais. J'aurais pu viser plus, mais voilà. J'ai pris le manga Love and Lies, que tu as d'ailleurs sur Wakanim. Les 3 premiers tomes, je les ai pris pour 13 euros. Et pareil, les 4 premiers mangas de Shine, je les ai pris pour 16,20 €. Donc, c'est pas super moins cher, mais c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant au niveau de l'envoi. Et puis pareil, je crois que j'ai pas pris ça, mais il y a quand même des bonnes choses à prendre sur Vinted. Bon, après il y a de tout, mais là où tu peux faire au taquet de bonnes affaires, pour moi c'est eBay. Ben, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que, enfin, soit c'est au prix, c'est toujours le système d'enchère ou tu peux acheter directement. Parce que je sais pas beaucoup eBay, t'as un peu bleu. T'as les deux. Il y a les deux, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, moi, généralement, soit je fais des achats directs, soit je tente de temps en temps quelques enchères. Mais là où eBay est très intéressant, c'est que c'est connecté au monde entier. Donc, que tu sois fan de comics, de manga, tu peux trouver tout ce que tu veux. Les derniers cadeaux d'anniversaire de Nico, donc ce sont des comics en CGC, donc ce sont des comics vérifiés qui est après mis sous vide. Faut préciser, je les prends là-bas et puis généralement ce sont des comics qui sont dédicacés également. Donc c'est des choses qui en termes de valeur qui grimpent très vite et c'est quelque chose qui coûte la peau du cul. Tu as également des celluloïdes que tu peux trouver sur eBay, chose que tu n'arrives pas à trouver en France. Et tu as également les artbooks. J'ai ma femme qui est fan de Hayashi no Cerres et de Fairy Tail. Bon, Fairy Tail, j'aurais pu prendre l'artbook chez Pika, mais je l'ai trouvé sur eBay pour pas cher du tout, pour moins de 20 €. Je l'ai pris, oui, c'était en VO, mais bon, le principe reste le même, hein, ça reste un artbook. Et pour Hayashi no Cerres, pareil, j'ai trouvé le artbook pour un peu plus de 30 euros. Ouais, effectivement, et tout sur eBay, ouais. Ouais, tout ça sur eBay. D'accord, ok. Bah... Et puis pareil, sur eBay, tu peux avoir aussi des personnes qui vont te mettre des collections complètes. Et vu que c'est aux enchères, si c'est une collection qui n'est pas forcément très populaire, tu peux l'avoir pour pas forcément très cher. Oui, forcément, oui. Oui, vu que c'est des enchères, si personne enchère dessus... Donc voilà, donc on a parlé de tout ça. Bah, il nous reste qu'une seule donnée, le Rakuten. Enfin, Price Minister. Est-ce que tu as déjà acheté sur Price ou pas du tout? J'ai acheté un coffret de Blu-ray en occasion sur Rakuten. Mais à part ça, non, même pas. Attends, j'ai rien acheté sur Rakuten. Ah putain, moi j'en ai acheté des choses sur Rakuten, c'est pareil, c'est un site que j'aime beaucoup parce que tu peux acheter pour des choses pour pas cher et tu as également des bons d'achat qui se cumulent Donc, c'est au final, c'est, ça peut être pas mal. Alors, pour te donner une idée, les 5 premiers tomes de Naruto, je les ai achetés sur Rakuten pour 12,49€. Bon, j'aurais peut-être pu les avoir moins cher, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est pas cher, hein, faut le dire. J'ai acheté l'intégralité des Hayashi no Cerès. Donc Hayashi no Cerès, ça fait 14 tomes. J'ai eu l'intégralité pour 36€. Donc, il y a quand même des bonnes choses à faire. Pareil pour des comics. Il y avait quand même une petite affaire pour 5 comics. Je les avais eu pour 62€. Pareil, j'ai acheté de la VO en première édition. Donc, c'était des comics assez rares. 15€. Donc il y a moyen de se faire des vraies plus-values sur Rakuten. D'accord, ok. Je suis en train de chercher l'application pendant que tu t'expliquais, ouais. Mais je pense juste un coup d'œil, ouais, pour savoir, plutôt pour changer un petit peu des sites actuellement ou que j'utilise pour choper de l'occasion, essayer de différencier un peu ce que je cherche, quoi. Bah, tu peux, après, tu verras, franchement, il y a de bonnes choses. Bon, il y a de tout, encore une fois, mais bon, tu peux trouver des bonnes choses à avoir. Donc, je vous regarderai, carrément. Je sais que je pensais pas utiliser beaucoup le bon coin et l'autre, mais c'est bien de... Comme les auditeurs, quoi, ils vont pouvoir essayer et trouver, j'espère, des pépites. Et puis, donner votre avis également. Et, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout. C'était assez rapide, hein, finalement. Quelle est ta méthode favorite pour terminer, pour le mot de la fin, de ton côté? Pour quand je recherche ou quand je... C'est-à-dire en achat, en négociation, est-ce que tu préfères viser quand tu... quelle est ta méthode favorite quand tu cherches de l'occasion? Souvent, je cherche j'essaie de trouver des œuvres complètes ou le maximum de tomes d'un coup, plutôt que d'acheter chez un mec 3-4 tomes ici, 3-4 tomes par là pour économiser. Je préfère acheter un bon gros colis avec toute la série dedans ou presque, plutôt que de grappiter 3-4 offres en même temps, quoi. C'est trop des intégrales. Ouais, je pense qu'on est à peu près tous pareil, ça me rassure. Oui, je pense. Après, des fois, c'est vrai que tu pourrais regarder, mais bon, enfin, comme j'ai dit, fouiller 2-3 annonces, mais bon, souvent les mecs, ils veulent pas péter leur lot, ou alors, ouais, je voudrais tel tome, et ça coupe la série. Bon, ça, je pense que ça fait chier, faut être tolérant avec les vendeurs, quoi, faut être compréhensif, et des fois, acheter en gros, c'est plus simple, quoi. Ok. Alors, je suis à peu près de ton avis également. Moi, j'aime bien prendre des mangas de l'eau. De toute manière, c'est là où tu pourras avoir le moins cher et tu pourras plus facilement négocier quand les personnes ont envie de négocier également. Ça, c'est un autre débat. C'est vrai que des fois, sur certains sites, tu prends certains sites, tu sais que les mecs, ou même des mecs qui veulent pas faire d'envoi, je trouve ça un peu abusé parce que c'est tellement simple de faire un envoi maintenant et c'est pas aussi chiant qu'avant un Colissimo. Et souvent, c'est l'acheteur qui paye des frais de port, donc bon, voilà. Après, ça dépend des gens, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas envoyer et je suis pas con pour eux, quoi, parce que je pense qu'ils perdent des ventes parce qu'ils se font les flemmards, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que pour avoir fait plusieurs annonces sur le bon coin, tu vois, bon, et certaines sont venues jusqu'à chez moi pour chercher les trucs, comme toi, et d'autres qui, j'ai fait, je dirais, 95% de mes ventes en module relais ou en colissimo, aisément, quoi. Oh oui, ça prend 2 minutes. Hein. Ça prend 2 minutes, et faut juste avoir un carton et du papier bulle et c'est tout quoi. C'est pas chiant et t'es sûr que ton produit parte. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, avant de conclure cet épisode, j'ai une news qui vient de tomber. Je suis obligé d'en parler. Je suis désolé pour toi, Baptiste. Je sais que c'est pas une. Pas Star Wars, s'il vous plaît. Et non, c'est pas du Star Wars. Je te rassure, tu peux souffler un bon coup. Il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Et moi qui me fait plaisir. Hein, je tiens à le dire. La news vient tout juste tomber, hein, ça tombe un peu sur Facebook à droite, à gauche, mais il va y avoir un nouveau film sur Le Seigneur des Anneaux, en plus de la série qui arrive bientôt. D'accord. Alors attends, c'est pas terminé, c'est Kenji Kamiyama qui va réaliser ce film en animation, et ça sera sur l'histoire du 9e roi du Rouen, et ça se passera 250 ans avant la communauté de l'anneau. Est-ce que Kenji Kamiyama, ça te parle ou pas du tout ? Pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le gentil monsieur ? Donc du coup, c'est un réalisateur japonais d'animé. Il a travaillé sur les décors de séries et de quelques petits films d'animation pas très connus. Donc il a travaillé sur une petite série qui s'appelle City Hunter. Je sais pas si tu connais, c'est pas très très, très connu quand même. C'est quand même assez connu. Mais je connais le nom français qui est mieux, je trouve. Ah non. Alors, par contre, tu vois, le film de la show est très bien. J'ai pas vu. Franchement, le film, il respecte l'animé à donf et il a été applaudi au Japon. Regarde le film de la show, il est vraiment très très bien. Bon, alors, avant qu'on s'étale, donc, il a travaillé sur les décors de cette petite série qui s'appelle City Hunter. Il a travaillé sur les décors de deux petits films japonais qui sont sortis en 88 et 89. Bon, des petits films français, enfin des petits films japonais un peu surcotés, qui sont Kiki la petite sorcière et Akira. Ah, je connais aucun des deux, ça va pas être très connu. C'est bien ce qui me semblait. Il a travaillé sur le scénario d'un. Alors, je ne sais pas si tu avais vu le film. Alors, c'est un gros AV qui s'appelle Blood, The Last Vampire, qui était sorti en 2000. C'était un OAV de 48 minutes. C'est un shonen, donc voilà. Il a travaillé sur les séries télé. C'est pas top, hein, mais bon, il a réalisé, scénarisé, il a fait les scripts et les storyboards des deux saisons de Ghost in the Shell qui était sorti en 2003 et 2004. Ah ouais, ok, cool. Il a travaillé sur le film en 3D Ghost in the Shell en 2011. Donc, ouais. Donc voilà. Et voilà, bah, c'est à peu près. Je connaissais pas Eden of the Hust. Est-ce que ça te parle, toi, ou pas? Ça me parle, mais attends, Eden, comment tu m'as dit? Eden of the Hust. Ah, je crois que c'est disponible sur ADN, ça. Je suis en train de regarder. Ah non, c'est pas disponible sur ADN, mais bon, ça me parlait. Enfin bref. Ouais, les éléments, ça me parle aussi. Il a travaillé là-dessus également et du coup il arrive en collaboration avec la Warner et New Line Ciné pour faire un film sur le Seigneur des Anneaux en animation. Ça peut être cool. Je suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux, comme tu le sais, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans cette conversation. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, parce que l'animation, franchement, ouais. Et ben voilà, ben je voulais absolument en parler, pas attendre le mois prochain pour en parler. Je me suis dit que c'était quand même une des news les plus importantes. Ah, j'ai cru que au début, j'ai un peu peur, j'ai cru que tu allais me parler de la news que je crois que c'est Zack Snyder qui a dit qu'il voulait qu'il était chaud pour faire une adaptation action live de DBZ. Ouais, OZEF. Voilà, c'est pour ça, j'ai eu un peu peur que ce soit Star Wars, soit ça. J'étais en mode, oh putain, qu'est-ce qui va me sortir, j'ai effrayé, mais non, ça va. C'est plutôt cool ce que tu as dit. Eh bien, tant mieux, ça me rassure. Bon, ben, sur ce, je pense qu'on va pouvoir arrêter et revenir dès la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Eh bien, moi je serai là, sans doute. Eh bien, moi aussi, peut-être, on verra. Allez, sur ce, bonne soirée à toutes et à toutes. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis à la semaine prochaine.